comença a partir d'aquests moments i al vostre costat una nova edició de Hola la Música amb Rafael Corbí. Així és com el nostre programa retorna a les zones després d'una temporada. El programa 123 d'Hola la Música comença amb un dels discs importants de 2020, La Machine, doble disc de Jul, amb cançons com aquesta, Sals en Fong. J'passe au nord, y'a les motards qui tournent. J'passe au sud, y'a des gratteurs qui tournent. L'inspecteur nous joue des mauvais tours. Elle est trop chargée, obligée de faire demi-tour. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Ça sent bon, la chatte de la bug qui vient des vagues. Ça sent bon, avec ta gadière s'insire les legs. Fais pas semblant, tu reçois des snaps et elle s'évecque. Ancien plan, oh putain j'crois que c'est ton ex. Ça sent pas bon. T'as trouvé le charbon, j'crois que ça sent le plan. Tu recherchais, j'crois que t'as fait le camp. Ils t'ont coursé, t'as fait un marathon. Elle t'agresse, elle croit que c'est ta tigresse. Toi tu veux juste des caresses, ils m'ont jamais ton adresse. J'passe au nord, y'a les motards qui tournent. J'passe au sud, y'a des gratteurs qui tournent. L'inspecteur nous joue des mauvais tours. Elle est trop chargée, obligée de faire demi-tour. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. T'es plein de mon sang, t'es plein d'action, tu me fais l'innocent. Elle a pas de cerveau mais elle a des gros seins. Et les toffes qu'elle t'envoie c'est malsain. Oro sous le cousin, t'as raté le blanc, tu es jeune cousin. Que tu le suicides connais pas, arrête me dire que c'est ton j'passe cousin. J'passe au nord y'a les motards qui tournent. J'passe au sud y'a des gratteurs qui tournent. L'inspecteur nous joue des mauvais tours. Elle est trop chargée, obligée de faire demi-tour. J'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. J'passe au nord, y'a les motards qui tournent. J'passe au sud, y'a des gratteurs qui tournent. L'inspecteur nous joue des mauvais tours. Elle est trop chargée, obligée de faire demi-tour. J'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Rien que tu te lâches, j'espère que tu prends pas la marche. J'vais faire les mèches, ils vont tous se faire les lèches. Diverses cançons que escoltarem d'aquest disc, en especial aquesta, una de les que jo he triat, però també escoltarem els 5 senzills que han sortit fins al moment. L'àlbum ha estat un número 1 a França, és un disc que és el 13è àlbum d'estudi de Jul, d'aquest rapper francès, un cantant excel·lent, segons les informacions que tenim, que va néixer com a Julien Magui el 14 de gener de 1990 a Marsella i que ens portava aquest La Machine, un doble àlbum que va sortir el 19 de juny de 2020 i que ha guanyat un lloc amb el respecte musical a les llistes franceses. Un doble àlbum amb 15 cançons en cada un dels dos que compta en senzills que han arribat al número 3 de les llistes franceses com Sassou o Folie, el número 2 com Itàlia, el número 19 com Fête d'Or o el duo amb Big Blue i Oli, que és Adore, que ha estat un número 30. Per tant, aquestes són les cançons que ens porta Jul des d'aquest La Machine. Fais pas la bitch, une poupouille, yeah. J'fais gaffe par la seille, coutou. Et mon bébé fait des poutous. Ah, j'suis son chouchou. J'ai mis de la salade dans le pétou, yeah. Moi, non, j'fais pas joujou.

J'entends des poussettes. Oh, j'en ai marre, laissez-moi. Je veux pas savoir qui a fait quoi, qui a fait qui. Que ça me chauffe, me chauffe. Que ça me chauffe. Que ça me chauffe, me chauffe. Que je les choque, que choque. Que je les choque. Que je les choque, choque. Et je les choque, choque, choque. Depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse. Dans l'audi reprogrammé. Gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu snaps, snaps, snaps quand tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie. Amb les seves cançons des d'aquest àlbum de 2020, que és La Machine, i tot recordant que en Joey Magee, en Jul, és aquest personatge que va debutar el 2014 i va realitzar aleshores 3 àlbums. O sigui que déu-n'hi-do el que va fer amb aquell mateix 2014, amb els 3 discos amb els quals va debutar, i en diverses cançons que també van arribar al capdamunt, i aquests àlbums també a partir del 2015, amb àlbums com My Wall, Motions, L'Ovni, etc., va arribar a ocupar la primera posició amb 5 àlbums consecutius dins les llistes franceses, i també el 2019 el 2019 també va editar 2 àlbums, i aquest en 2020 de moment el que en sabia més aquest La Machine. Per tant, avui estem escoltant aquestes les seves cançons amb la primera part del nostre programa. Je veux voir autre chose, je veux vivre autre part. Tu m'as blessé, ça y est, c'est trop tard. Je peux plus dormir, je suis fait d'or, frère. Si tu es gros cop, je suis fait d'or, frère. J'ai besoin de personne, juste besoin d'air. J'ai tiré de barre, j'ai fait le joint d'herbe. Ça va reprendre le terrain, contrôler la zone. Comme la famille Shelby dans Peaky Blinders. Petit couteau dans la banane, pas de poteau dans la cosa. Soudé comme Tony et Manu. Ça se tue comme dans Mafiosa. Ça fait le signe du jusqu'au Vietnam. Ça prend la caisse, ça monte à Amsterdam. À ce qu'il y a beaucoup de fakes sur Instagram. En 20 ans, il te tue, le jeune il a pas d'âme. La moto elle pète dans les rues étroites. Je m'entraîne à le vide de la main droite. Je pourrais te faire un album dans la grotte. J'ai mis la vodka dans les biens. Tu veux te battre, allez bien. Je vis ma vie en rêvant, enfin comme si tout allait bien. Et je m'en fous totalement. Je fais le bolier d'italien et l'allemand. Poteau, j'avais de l'or dans les mains. Elles ont fini dans la mer finalement. Je pars fort, je patine. Chante en riz platine et ramène ta team. Conce les tartines. J'pars fort, j'patine. Chante en riz platine et ramène ta team. Conce les tartines. Alors qu'il est en vie dans un monde enculé. Et ils ont du culot, ils aiment te voir reculer. Et moi j'vis ça comme un miraculé. J'suis sorti de la chambre, j'les ai tous enculés. Avec des flots de fous qui font bouger ta daronne. J'ai des défauts mais j'ai quand même une parole. Dans ma tête c'est noir, dans mon cœur c'est pas rose. Rafale vocale, c'est un braquage, lâche ta rose. Faux, ils me paraissent. Des gens qui veulent se coller à moi, ils mettent mal à l'aise. Crois pas que j'ai peur toi, ouais, même si ça t'es pas à l'aise. Tu peux être carré comme un mur et grand comme une falaise. J'arrive comme à l'ancienne et là j'suis trop à l'aise. Ça me rappelle mes premiers shows vers Abdou Alès. Pour la mettre en finesse, eux ils caressent. Eh ouais, ma son technique comme marès. J'pars fort, j'patine. Chante en riz platine et ramène ta team. Conce les tartines. J'pars fort, j'patine. Chante en riz platine et ramène ta team. Conce les tartines. Que ça sur des motos volées, avec des guitares et des écharponnés. Je te ferai pas confiance, ouais, même si tu me promets. D'autant d'avant, la machine, tu reconnais. Je vais te laisser des vues, même si t'es abonné. Tes piques à deux balles, c'est tes téléphonés. Et dans leurs clips, ils sont plein de pistolets. Si tu savais, gros, je leur pissonnais. Demande pas d'où je suis, me demande pas qui je connais. Et je savais pas que des mecs michetonnaient avec leur dégaine de schlac de cachetonné. Et c'est pas ma faute si t'as pas cartonné. Fais attention, si tu fais beaucoup de cash-money. Si ça t'a questionné, que tu les as cash-donné. Même dans la Twingo, moi, je coincé des poneys. Je faisais chauffer l'embrayage des connais. En ce moment, je capte pas, je vis dans la forêt. Je suis loin des bâtards, très loin des coups fourrés. Je pars fort, je patine. J'entends rire, platine. Et ramène ta team. Gonsle et tartine. Je pars fort, je patine. J'entends rire, platine. Et ramène ta team. Gonsle et tartine. Je pourrais vivre sur une île, boire de la noix de coco. Pour l'instant, je dope sa mère, c'est comme ça mon coco. J'entraîne m'endormir, poteau, t'as la boco. Me casse pas les couilles, tire de bière sur le popo. Je me faire quiller, je me guiser. C'est pas une gadi qui me fera glisser. J'ai tenu que 6 mois au lycée. Depuis, j'ai plus lâché le MIC. Qu'est-ce qu'il a, il fait que me fixer. Il est bon qu'à mixer, remixer. Il porte des couilles, il me fait le matrixer. Être une star, frère, je te dis pas la fixer. Regarde pas la sœur du frérot, même si elle vient de parler, prends pas son numéro. Trahis pas pour des dineros, jusqu'à maintenant t'as rien fait, toi tu te dis héros. J'ai du mal à te plairer, y'a des choses que j'ai du mal à digérer. Tu m'as pris pour un blaireau, j't'ai aidé quand tu m'avais dit j'ai rien. Des tempêtes y sont passées, et moi j'suis toujours là comme le drapeau algérien. J'fais danser des mémés et des mômes, une chambre, un mic, besoin du minimum. J'suis dans ma bulle, j'suis dans un mini-monde. Et j'dis que le 7ème pète vers minuit il monte. J'vois des choses immondes, gros le tonnerre il gronde. J'pars fort, j'patine, j'entends rire platine. Et ramène ta team, consle et tartine. Ouais. Ok. Ils aimeraient que j'arrête, hein. Ce serait comme essayer d'éteindre la lune, bande d'enculés. Ah, j'en ai fait du chemin. Putain de merde. 20 albums, 20ème match. Et j'annonce 20ème but. Et c'est pas fini. Ouais, je préfère du lavage. Après, je vous vois passer avec JCVD dans la voiture, bande d'enculés. Souhaite du mal toute l'année, après quand tu les croises, ils te sucent. Ils font leur vis, après ils te sortent des excuses. Hein? Au gratte-buzz. J'ai plus trop le même train de vie. Ça fait mal au cœur quand tes anciens amis parlent avec tes ennemis. Quand t'allais, je revenais. J'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi j'suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi j'suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Il y a des bains, il y a des putains, c'est la vida. Avant d'être une célébrité, pourtant ce que tu m'as fait, ouais, je le mérite pas. Toujours un jour, je sens mon cœur s'effriter. FIFA pétard, pis passe. Je pense à moto au terrasse. Les potos veulent que des pétasses. Les potos veulent des pétasses. Quand je vais rentrer, je fais voir Chiquitas. Pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi j'suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi j'suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. J'pense l'audi, il fait beau, j'prends la moto. Mandatico sur mes dos dans l'auto. Cache la beuille, y'a les bleus dans le rétro. Eh oh, oh. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi je suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi je suis comme maman, des fois j'écoute Dalida. Bien sûr que tu connais. Tu t'y attendais pas, hein? Comme Macron en gilet jaune. Toulouse, Marseille. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. J'ai dégoûté de dire que ça tue. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. J'ai dégoûté de dire que ça tue. Les journalistes rap vont faire une crise cardiaque. Après ce couplet, quelques puristes se seront pendus. Le public kiffe, donc c'est pas grave. T'aurais pas traité de commercial si l'album s'était pas vendu. On rappe avec le cœur, et on le fera encore. Tant que la plume séchera nos pleurs et nous fera changer de décor. Les plus discrets sont souvent les plus forts. Sous-estimés comme la sardine qui a bloqué le vieux port. Ici c'est Toulouse, Marseille, Stadium, Vélodrome, KDD, FF, canicule au mois d'automne. 31-13, rap que des étincelles. Tiens-toi bien frère, mais dis-moi qui peut faire plus sincère. Ils voient nos succès comme un bug dans la machine. Car mon silence est d'or et de platine. J'habite la ville de la violette où le soleil adoucit. Celle des millionnaires en claquettes et des chômeurs en Gucci. Le hip-hop me porte depuis que je suis gosse. C'est toujours pour les DJ, breakers, b-boy, graffeurs, beatbox. Je rappais sous la douche, maintenant je prends des bains full. J'attends toujours que le destin me fasse un signe. Ils ne rappent que les mêmes thèmes, ils ne font que l'inter tellement. Au mic, je les interpelle, qu'ils comprennent que je les enterre clairement. J'ai le flow du Wu-Tang Clan, la musique, je la saigne tellement. Je l'aime vraiment, je baigne dedans 5 ans que je traîne les mains pleines de sang. La main en peine, la rengaine de ceux qui se plaignent. J'entends l'appel d'un système qui nous freine et entraîne le manque, ma dégaine, ma belle vingtaine égrène le temps. J'enchaîne les poèmes sur scène, je m'entraîne sans paire de gants. Je pose mes lignes comme si je jouais à Tetris. Tu le sais pas, mais je t'inspire. Jamais je prendrai de RTT. A chaque début de couplet, j'ai peur de plus savoir écrire. A chaque fin de couplet, j'ai peur de plus savoir m'arrêter. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. J'ai dégoûté de dire que ça tue. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. T'es dégoûté de dire que ça tue. Un peu d'amour dans ce monde cruel. J'étais au chantier pour être cruel. Ou au quartier à faire le truand. J'parle aux vendeurs dans ma ruelle. Moi j'te dis, Marseille ça pue la mort. Y'a beaucoup de jalousie. Je veux finir sur une belle île en mer. Comme Laurent vous le dit. J'ai donné sans recevoir. Ils savent pas combien j'ai mis dedans. Et avant de percer, les vrais savent combien j'ai mis dedans. Les ragots, les rumeurs, ça va, ça vient, c'est pas évident. Ça se demande si je touche plus de sous que monsieur le président. Je fais encore plus mal quand c'était tes poteaux de cœur. Arrivé où ils veulent, ils t'oublient, je les appelle les autostoppeurs. J'aimerais partir loin, seul crier fort comme un rocker. À force de fumer et boire, en même temps ils me viennent de pointe au cœur. J'ai la tête dans la lune, je vous éclaire la nuit. Toucher la famille, c'est le moyen de déclarer une guerre à vie. Fallait avoir les crocs, je te fais le sud en camping-car. Des chiches à vide, maintenant le vélodrome, ça me touche en plein cœur. Ouais, je préfère un frangin qui me dit la vérité plutôt qu'un frangin qui me ment alors que je pensais qu'il méritait. Je préfère lui qui reste dans son coin que lui qui se la ramène. À force traîner dans des bars à pute, tu peux te prendre des coups de baramine. J'ai changé apparemment, non, sauf que j'ai plus mon appartement. Au quartier, j'y suis plus et quand j'étais, je faisais des débordements. Je vis n'importe comment. Je me couche à pas d'heure. Et à chaque fois que je suis en barotte, je croise des képis tous les quarts d'heure. Y'a la crapulerie qui tourne en stun, tu veux lent ou dégradé. C'est fini que ta mère le brigadier, le petit se fait en brigadé. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. J'ai dégoûté de dire que ça tue. Ah, ça va tourner dans les voitures. Deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête. J'ai dégoûté de dire que ça tue. C'est Toulouse et Marseille, c'est la Nice et la Violette. Ça pèse, faut être honnête. De 16 jusqu'au Baumette. L'OVNI descend de la comète. Des chiffres, la pierre de Rosette. Suisse et la Rolex. Rolex. Russe et la roulette. Qui rappe encore, qui veut encore faire bouger les têtes. Qui décortique les rimes, qui se soucie de l'art des lettres. On vient de partout, Algérie ou Argentine. On peut adorer ses feuilles sans oublier ses racines. Les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Marocains. Hella, hella, à la bien. Quantité, qualité. Calumet, calmez-les. Cannabis, canapé. Maladie, mal aimé. Mon cœur est si froid, dis-moi qui m'a cambriolé. Certains n'ont pas toi, d'autres ont des cabriolets. C'est depuis l'Amiga qu'on rappe amigo. Tu as reconnu la capuche et Big Flow. Planète Mars, mais comme j'aime pas trop les clones, j'arrive dans le VIP avec un t-shirt Pokémon. Confond pas argent et passion, bientôt on style dans le vaisseau. Les gens de Paris passeront, ce sont les gens du Sud, sont trop spéciaux. La plus étrange des connexions pour les bizarres, les cas sociaux. Pourquoi tu te poses la question? Ils sont sincères ou commerciaux? On se passera des suggestions. C'est nous les peintres dans le pinceau, dans le bunker, dans le bastion. On se prépare comme des bestiaux. Et si t'as tort, on a raison, on a toujours le bon ratio. Tu vas te reprendre une ration, c'est la vengeance des provinciaux. Ah, ça va tourner dans les voitures, deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête, j'ai dégoûté de dire que ça tue. Ah, ça va tourner dans les voitures, deux aliens, un ovni. Rendez-vous sur Saturne. Ah, ça marche pour nous pourvu que ça dure. Je te vois bouger la tête, j'ai dégoûté de dire que ça tue. Oh là là, musique. Hola, la música amb Rafael Corbí i la música que ens arribava aquest hip-hop rap de Jul que ens ha acompanyat tota aquesta estona. El mot Frenchy és un mot que s'utilitza per referir-se a tot allò que ve de França, òbviament moltes vegades francesos o franceses, i no sempre amb un to amable, moltes vegades és un to despectiu, el Frenchy. Doncs bé, en Thomas Dutronc, Thomas Dutronc, és el fill de François Hardy i del cantant Jacques Dutronc. Va néixer el 16 de juny del 1973 a París, i un dels àlbums d'èxit al llarg del 2020 és precisament a càrrec d'aquest intèrpret que va néixer el 16 de juny del 73. No sé si ho acabava de dir o no, però a vegades em repeteixo. I ens aportava aquest àlbum d'estudi, el seu quart àlbum, un àlbum que està constituït tot ell de cançons franceses, reprises, que se'n diuen, o noves versions. També és un disc fet en la col·laboració de diversos artistes i músics americans. Es diu Frenchy, el disc, i avui doncs, també li donem l'oportunitat a ser escoltat a través del nostre programa. Cançons que veureu que de ben segur que us sonen moltíssim, la major part d'elles. Començant amb aquest Sessi Von que ens porta en Tomàs de Tronc. Sessi Von. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can be placed, just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon. C'est si bon, et si nous nous nous aimons. Cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. Because it's oh so good. C'est parce que c'est si bon. Parce que c'est si bon. Iggy Pop i també en Diana Krall amb aquesta cançó, aquest Ceci Bon. Amb en Billy Gibbons canta La Vie en Rose.

the good life, to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, we'll just wake up and kiss the good life goodbye. Recte final del nostre programa per aquesta setmana de jazz, del programa que ens condueix amb aquest toc de jazz, avui Hola La Música. I una recta final que cobrirem amb la música que ens arriba a través de Berlín, temes com aquest Loop o, per exemple, Chanson Nos o Chéri Chéri ens acompanyaran amb aquests minuts per ja tancant la paradeta amb el programa d'aquesta setmana. Dans mon hôtel, je tire sur une Winston. Je me suis fait belle, je cherche une distraction. Je suis vicieuse, une femme ou bien homme. I'm so vicious, complètement stone. Je veux jouer, jouer, jouer. Je guette mon téléphone, le temps d'une cigarette. Soudain, la porte sonne. Que ens arribava des del 2009 i que ens costava la música d'aquesta formació. És la seva música, són els seus temes que ens aportaven des del 2009. L'àlbum Boa Club Berliner es diuen, es deien, i ens aportava aquest duo música diferent, molt, molt diferent. De fet, ells eren en Philip Boa al capdavant, quan també interpretava música de Voodoo Club. Escoltem ara mateix un parell de cançons més amb aquest estil dels Berlin. Manu à Honolulu. Doncs arribem al final del programa d'aquesta setmana, la música electrònica, la música que ens acompanyava a càrrec de Vavi i de Liz Voté, els protagonistes d'aquest disc del 2009, rock electrònic, pop rock, fins i tot alguns dirien de Berlín, aquesta formació francesa. El 17 de febrer del 2009 veia la llum aquest disc amb 12 cançons. Yves Dutel, el cantant francès nascut el 49 a París, acomiada el programa d'aquesta setmana amb el seu retorn. Una vegada més entre nosaltres. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Hola, la música. Leur adresse est à l'arrivée dans la salle des pas retrouvés, terminus de l'aéroport où des cœurs battent un peu plus fort. C'est toute la force de la vie qui fait les hommes et les fourmis. Il en reste toujours assez pour survivre et recommencer. On ne peut réduire au silence les voix qui chantent une espérance. On ne peut vaincre un idéal avec des chars ou bien des balles. Des maisons basses aux toits de paille, au bord d'un canal aux eaux calmes, le temps glissait comme un bateau sur les hommes et sur les roseaux. Les enfants nus dans l'eau du fleuve s'éclaboussaient avant qu'il pleure, au pied d'un temple aux toits dorés, sous les yeux du Bouddha couché. Que reste-t-il de cette Asie qui s'écoulait en harmonie entre les barques du marché, les épices et les orchidées? Où sont les bons et leurs ombrelles, fleurs de safran sur la ruelle, avançant à pas mesurés vers le seuil de l'éternité? Les odeurs de poudre de sang ont chassé les parfums d'encens, assombri la boue des rizières et brisé les hommes et la terre. Du haut du temple abandonné, le sourire du Bouddha figé ne contemple les yeux baissés que des ruines et du temps gâché. S'en vont les pensées fleuries qui s'envolèrent vers les esprits, les colliers de fleurs des autels en offrant nos amis mortels. Les éclats de rire se sont tus avec les enfants disparus, les bonheurs enfouis dans la terre, sous les cendres et sous la poussière. Pourtant gravé dans l'ivoire du silence et de la mémoire, se transmet à mots défendus tout l'espoir qui semblait perdu. Le courage et la volonté de se battre et de résister à la peur et à la souffrance, à la mort et l'indifférence. C'est toute la force de la vie qui fait les hommes et les fourmis. Il en reste toujours assez pour survivre et recommencer. On ne peut réduire au silence les voix qui chantent une espérance. On ne peut vaincre un idéal avec des chars ou bien des balles. Dans un avion venant d'Asie, quatre bébés sont endormis, un bracelet dit leur prénom sur du tulle à l'encre marron.